ses cahiers, toujours la même, et plus ou moins toujours en anglais. Elle en est juste au volume 15, plus de 3000 pages de son histoire, de ses parents, de ses amis, de ses enfants et de son mari. Un marque-page en volume 12, je suis né ici, sans numéro. Des papiers, des post-it et des photos qu'elle classe dans un cahier qu'elle cache au fond d'un bureau. Elle y consigne sa mémoire, s'y réfère quand la nuit tombe. Elle y note ses cauchemars et déteste la mairie de tombe. Moi je ne vis que dans ses pages, en dessin, en photo. L'écriture de mes messages a été collée au pinceau. Moi je ne vis que pour elle, elle me ranime en lisant. Je vieillirai avec elle, je lis sans avec le temps. Ces derniers temps, elle écrit moins, mais relit ses meilleurs passages. Son préféré, c'est l'île de Groix, quand on s'endort sur la plage. Des papiers, des post-it et des photos qu'elle classe dans un cahier, qu'elle cache au fond d'un bureau. Elle y consigne sa mémoire, s'y réfère quand la nuit tombe. Elle y note ses cauchemars, elle déteste la mairie de tombe. Elle collectionne des papiers, des post-it et des photos qu'elle classe dans un cahier, qu'elle cache au fond d'un bureau. Elle y consigne sa mémoire, s'y réfère quand la nuit tombe.